Le porte-parole de l'Institut des États-Unis près le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 9 courant aux questions du correspondant de l'agence télégraphique centrale de Corée à propos des paroles provocatrices lancées de nouveau par l'assistant agent du Conseil de sécurité d'État de la Maison-Blanche. En voici le résumé. Selon une source étrangère, l'assistant agent du Conseil de sécurité d'État de la Maison-Blanche a prétendu lors d'une conférence de presse à Vientiane, Laos, d'élever la vigilance dans l'application de la sanction contre la Corée du Nord et que si nous abandonnons le plan nucléaire et de missiles balistiques, les États-Unis ont l'intention de changer la vie. Notre République est dignement entrée au premier rang des puissances militaires détenant parfaitement la capacité de frappe nucléaire malgré la sanction ultra-dure des forces hostiles sous la coupe américaine et cela est le brillant résultat de la capacité de se renforcer soi-même. Il faut dire que les menées de sanctions et d'étouffement unilatéral livrées frénétiquement par les États-Unis poursuivent le renversement de régime d'un État souverain et c'est un crime inhumain ultra-géant violant le droit au développement et à l'existence des pays intéressés. La résolution de sanctions contre la Corée du Conseil de sécurité de l'ONU dont parlent les États-Unis est également d'un bout à l'autre un dossier criminel exempt de l'équité, de l'égalité et de la morale de par le caractère revancheur interdit par le droit international. La promotion parallèle du développement économique et nucléaire est une ligne stratégique à maintenir en permanence tant qu'existent les menaces nucléaires et la tyrannie impérialiste, et penser que nous abandonnerons ce principe est une chimère absurde. Les États-Unis ne doivent jamais sous-estimer notre esprit indomptable et notre force inépuisable, et ils verront nettement comment nous repoussons la sanction, le blocus et la pression pour nous redresser impétueusement.